parle des échangeurs d'air avec vous jusqu'à 22h. Comme d'habitude, Michel Marcoux au microphone, et Jean-Philippe Boisbriand qui fait tout le reste, et une sélection musicale qui aujourd'hui commence avec du Ween. Mais on est plus dans le folk, un peu dans le... une émission qui est un peu folk. Voilà, un peu folk. Ensuite, elle est un peu bizarre, puis ensuite, elle est à nouveau un peu folk. Voilà, mais un peu plus psychédélique. Alors, on passe du folk ou un peu bizarre au psychédélique. Et bien, si on veut entendre tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on y va maintenant. softness. What can I say? She's a walking away from what we've seen. What can I do? Still loving you. It's all a dream. How can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems? What can I do? She's the same way through with how it was. What will I try? I still don't see why she says what she does. How can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems? What can I say? She's walking away from what we've seen. What can I do? Still loving you. It's all a dream. How can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems? How can we hang on to a dream? Flowing by, and you can hear a song each time the wind sighs, and the golden rolling hills of California, and the golden rolling hills of California. It's been so long, love, since you said goodbye. My cabin's been as lonesome as a cry. There's comfort in the clouds drifting by. The golden rolling hills of California. In the golden rolling hills of California. Yes, a neighbor came today to lend a hand. He saw I'd fix the road as best I can. There's just some things that need a man's hand. In the golden rolling hills of California. Golden rolling hills. across the sky. There's music in the waters flowing by. You can hear a song each time the wind sighs. The golden rolling hills of California. And the golden in Brood ça commençait comme ça, les échangeurs d'air pour cette semaine. D'abord, Baby Bitch, c'était Ween sur Chocolate and Cheese de 1994. Beaucoup de choses ont été dites sur ce groupe Ween, mais il y a un truc qu'on sait toujours pas, c'est pourquoi ils ont appelé leur album Québec. Et je veux le savoir. Non, c'était pas cet album-là. Là, c'était Chocolate and Cheese. Mais ils ont appelé un album Québec, puis on sait pas pourquoi. Alors, au lieu de l'appeler Canada, par exemple. Oh, Jean-Philippe a dit que c'est peut-être pas de mes affaires. Voilà d'autres choses. Beautified Junkyard suivait avec la pièce Sorceress sur The Invisible World of Beautified Junkyard de 2018. Eux, comme leur nom l'indique, ce sont des Portugais qui sont influencés par le acid folk anglais, par la musique brésilienne Tropicalia et l'électronique et tout ça. Ils ont puis influencés par Kraftwerk, entre autres, et ce genre de choses-là. Et c'est très plaisant à écouter. Tout comme Tim Hollier qui nous faisait Evening Sound sur Tim Hollier de 1970. Tim Hollier qui est né en 47 et mort en 2017, puis il a été très actif, surtout dans la période de milieu des années 60 jusqu'en 74 environ. Puis c'est un autre qui a eu plus d'influence quand même que de popularité réelle. Un autre, c'est ça qui a influencé beaucoup de monde, puis il est mort d'une complication due à une opération. Ce qui est pas nécessairement si fréquent dans le milieu parce que les overdoses d'héroïne étaient assez fréquentes dans certains cas. C'est ce qui est un peu dommage, mais c'est ça. Sauf que les gens mourraient pas tant que ça, 70 ans à la suite d'une opération. Sharon Van Etten le faisait We Are Fine sur l'album Tramp de 2012 et elle, assez jeune artiste de 37 ans, maintenant c'est considéré comme jeune, et elle fait aussi du journalisme, puis elle fait de très jolies choses. Est-ce qu'on en avait déjà mis, Jean-Philippe? On n'en avait jamais mis, donc c'est un début et elle reviendra. Tim Hardin nous faisait How Can We Hang On To A Dream sur Tim Hardin de 66. Lui aussi, un artiste qui a eu énormément d'influence. Kate Wolf and the Wild Wildflowers de Red Tail Hawk, c'était le nom de la pièce sur l'album Backroads de 1976. Kate Wolf, qui malheureusement est aussi décédée assez jeune aussi, malheureusement, mais pas d'une overdose, mais d'une terrible leucémie. Puis elle aussi a une carrière assez bien remplie pour le temps qu'elle a duré. Disons-le comme ça. Et on a terminé avec Meg Bird, Elena Ebsvall et Sharon Krause qui nous faisaient Bruton Town sur un album qui s'appelle Leaves from Off the Tree de 2006. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va aller voir? Oh, du Aquaserge, il y a du Cornelius, etc., etc. Alors, à tout à l'heure pour ça. Thank you. I try. I am, yes I am. un peu de notre light temptation pour soutenir la parole. Alors là, on a un petit bloc que je ne saurais définir, alors je ne le ferai pas. Dreams, ça commençait avec Dreamsville, ce qui est une pièce de Henry Mancini, parce que c'était Brother Cleves and his Lush Orchestra sur une compilation qui s'appelle Shots in the Dark. Pourquoi Shots in the Dark? En fait, je pense que c'est parce qu'on parle de cocktail ici, parce que notre ami Brother Cleves est un expert du cocktail, parce qu'il était en tournée longtemps, il s'est promené et il a travaillé avec les Combustible Edison, puis il s'est promené un peu partout. Alors sa spécialité, c'est devenu et la musique et les cocktails. Alors lorsqu'il se promène un peu partout, il cherche les vieux livres de cocktails, tout ça, puis il aime ça, puis il aime la musique, puis il a l'air d'avoir un beau cocktail sur la photo que je vois. En fait, ça, il a l'air d'y avoir beaucoup de stock, puis ça a l'air d'être absolument tiki. Tiki, oui, voilà. Voir ce mot. Tiki, T-I-K-I. C'est l'expression du classicisme. Le tiki. Aquaserge suivait avec Vers le néant sur un album qui s'appelle ce Très cher Serge. Il faut presque s'arrêter un peu, ce Très cher Serge, pour le prononcer correctement. Au départ, on avait Julien Gasque, Benjamin Glibert et Julien Barbagallo, qui étaient dans le groupe Hyperclean, qui est comme le grand frère d'Aquaserge. Il y a d'autres gens qui se sont greffés à ça. Puis il travaille beaucoup dans la campagne toulousaine avec toutes sortes de monde aussi qui vont les voir puis qui enregistrent dans leur espèce de studio do it yourself, comme on le dit, et entre autres Forever Pavot. Forever Pavot qui, comme par hasard, se retrouve un petit peu plus loin dans les pièces qu'on a entendues. Mais avant ça, on a eu Cornelius sur Rippled Waves, pardon, de 2018, The Spell of a Vanishing Love Lioness. Cornelius, c'est très chouette. En fait, ce qu'il fait, il s'appelle Keigo Oyamada, puis il fait de la musique depuis qu'il est vraiment jeune, puis c'est inspiré, oui, Cornelius, ça vient vraiment du singe dans la planète des singes. Il continue depuis quand même 1997 à peu près, dans les années 80, au début des années 90, en fait, où est-ce qu'il a commencé à produire réellement. Et puis ça s'est raffiné toujours, puis ça, ben, c'est ce qui vient de sortir pratiquement. C'est quelque chose de tout jeune et c'est vraiment très chouette. C'est presque trop raffiné, me dit Jean-Philippe. C'est ça, on va l'appeler. On va appeler Cornelius, puis on va lui dire, bon, un peu trop raffiné. Forever Pavot suivait avec Rhapsode sur l'album, qui s'appelle aussi Rhapsode. Parfois, je vais voir des critiques de disques, et j'en ris quand même assez souvent, mais Born Bad Records ont battu quand même un petit record dans un paragraphe où est-ce que on arrive à, il faut que je vous en lise un petit bout. Le monde de la pop se divise en deux catégories. D'un côté, les groupes qui font du vieux avec du neuf. On les connaît, on a les noms, bâillement. De l'autre, ceux qui font du vieux avec du vieux. Retardataires de guerre qu'ils n'ont pas vécu, à la recherche d'époques qu'ils n'ont pas connues et de consoles analogiques chinées sur eBay dans l'espoir de sonner comme le Velvet Underground. Et tout ça, pendant ce temps-là, on parle toujours pas de Forever Pavot, qui est un peu dans les deux catégories, finalement, mais que là, c'est bon, ça marche, et c'est vraiment très bon, Forever Pavot, aussi. Oui, c'est une très bonne étiquette, Born Bad, mais ça me fait rire, le désir de critiquer, parfois, en fait, de toutes sortes de personnes qui sont pas là, ils ont même pas d'affaires, là. Puis Forever Pavot, bon, je l'ai dit, il travaille aussi avec les gens d'Aquaserge. Pardon, j'y reviens. Comment s'appelle-t-il, donc? Émile Sornin. Puis il travaille aussi avec un autre truc qui s'appelle Jean-Claude Vanier, aussi. Comme on dit, c'est amusant, du genre discret, mais plutôt brillant. Il fait les guitares, le fuzz, farfisant, diablé, des lignes de basse. Assez vive. Puis oh, Jean. Là, Jean-Philippe m'a dit. Il m'a dit toutes sortes de choses. C'est ça, puis il devrait pas. Exploded View nous faisait Open Road sur l'album Obey de 2018. Évidemment, on vous a déjà parlé de cette expérience, ce truc avec Annika. Où est-ce qu'elle est allée jouer au Mexique, puis elle a rencontré des gens, et visiblement tous ces gens-là se sont bien plu. Alors le groupe qui l'accompagnait est devenu son groupe finalement, et pour le meilleur, je vous dirais, parce que ça donne souvent de très très bons résultats. Et ensuite une curiosité, Siam avec Robert Wyatt, c'est Nick Mason and the Carl Lovely Band. Nick Mason, en fait l'album s'appelle Nick Mason's Fictitious Sports de 1981, et oui, le batteur de Pink Floyd qui a fait ce truc-là, qui est plutôt plaisant. C'est une... Comme je disais à Jean-Philippe en riant, Nicholas Berkeley Mason, donc Nick Mason, je disais, il a des chances de réussir dans le rock, lui, à un moment donné, c'est certain. Et c'est le seul qui apparaît sur tous les disques de Pink Floyd et qui est là vraiment depuis le tout début. Moi, j'aimais beaucoup, quand j'étais jeune, Uma Goma, avec les percussions sur Uma Goma. J'aimais bien ça. Alors, Nick Mason, un truc très intéressant. Et ensuite, on s'en va du côté les Big Bird et bien d'autres choses.

pie voleuse. Il n'y a rien de tel pour parler que la pie voleuse. Qu'est-ce qu'on a eu pour terminer l'émission? Parce que je peux vous signaler tout de suite que Benoît Arcan est là, tout prêt à faire terrain vague, qui va suivre notre émission. On commençait avec... j'avais oublié de chercher sur eux. Samara, une pièce de Magic Castles sur l'album Star Flowers de 2015. Puis eux, ils sortent de où? Ils sortent de où? De Minneapolis. Puis c'est leur quatrième album qu'on entendait ici. Puis on appelle ça de la Bedroom Pop. Bedroom Pop. Ah, voilà. L'important, c'est de savoir que c'est post-punk. De toute façon. Les Big Bird nous faisaient I've Exited Myself from Your World sur un album qui s'appelle Iran, Irak, Ikea de 2018. Puis, les amis des Big Bird, ils sortent de où? Ce sont des gens de Stockholm. Possiblement, en fait, du moins, ils ont été reconnus comme sur la scène rock de Stockholm. Oui, évidemment, d'où l'influence du IKEA. Puis, après avoir été désillusionnés par leur projet, leur premier projet, tout ça, ils se sont lancés dans ce truc-là, les Big Bird, et je pense que c'est un succès. Je pense que c'est bon. Mais là, on en a entendu une pièce. Oui, mais on... Ah, voilà. Et ensuite, on est passé à Ellie Witch sur Art of Darkness sur October de 2018, la pièce Art of Darkness. Puis, ce sont vraiment des sorcières. Oui, elles sont trois femmes. Puis, c'est vraiment très chouette ce qu'elles font. Puis, il paraît qu'il faut pouvoir les voir sur scène. Mais... ça arrive pas souvent. En fait, peut-être que ça arrivera un jour au Québec. On ne sait pas, mais pour l'instant, ce n'est pas arrivé. Après ça, Ulrika Spacek nous faisait Victorian Acid sur Modern English Decoration de 2017. C'est un très beau titre quand même. Puis c'est un groupe de rock alternatif anglais qui vient de Reading. Qui on retrouve Rhys Edwards, Rhys Williams, Joseph Stone et Sid Camp avec Callum Brown. J'aime bien leur nom. C'est ça, Ulrika Spacek aussi, voilà, qui est très chouette. On est passé à Abibi qui nous faisait la pièce Kodaya avec Gypsy Love sur Cardamom Garden de 2018. Abibi, ça signifie amour, my love, pardon, mon amour, probablement en farsi. C'est ça parce qu'on a le chanteur du groupe qui s'appelle Rahil Jamalifar, qui a été élevé dans une famille iranienne, et c'est lui qui a décidé de ce nom de groupe. De Liminianas nous faisait El Beach sur l'album Malamor. De Liminianas qui ont fait beaucoup de choses avant de fonder De Liminianas, et on est bien content qu'ils aient fait de Liminianas. Et nous avons terminé avec Warm Drag qui nous faisait Cruising the Night sur Warm Drag de 2018. Et ça vaut la peine d'aller voir la photo. La chanteuse porte les plus beaux pantalons blancs pattes d'éléphant que j'ai vus depuis longtemps. Et ça vaut la peine. Du vrai pattes de super éléphant, d'éléphant des années 70, là, du vrai de vrai. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à vous dire? Ben, il nous reste à vous dire de rester en onde. D'abord pour écouter Terrain Vague. Et ensuite... qu'est-ce qu'on fait à ce moment-ci? On dit à la semaine prochaine.